Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 5 février avez-vous choisi de nous rappeler? J'ai eu du mal à trouver un 5 février, mais j'ai choisi celui de 1810, c'est le jour du rétablissement de la censure par Napoléon. Alors, il l'a rétabli pour une raison en particulier, pour la sécurité de l'État? Même pas, en fait, non. Il décrète très clairement la censure pour s'assurer la mainmise sur l'esprit et sur la conscience des Français. Là, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a pas de justification particulière. C'est l'empereur, vous savez. Écoutez d'ailleurs ce qu'il disait à propos de ce genre de liberté. « Le droit d'imprimer n'est pas du nombre des droits naturels », disait Napoléon. Ou encore, « Si je lâche la bride à la presse, je ne resterai pas 3 mois au pouvoir ». Il était peut-être assez clairvoyant, cet homme-là, finalement. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous parlez de rétablissement? Quand avait-elle cessé cette censure? Oh, vous savez, ça va et ça vient, la censure. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Pendant la Révolution française, la liberté de la presse a quand même été inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, évidemment, elle ne sera pas pour autant respectée pendant toute la Révolution. Est-ce que j'ai besoin de vous donner des détails, là? Mais le principe était quand même lancé, disons. Elle a toujours existé de toute façon, la censure. C'est le cardinal de Richelieu, le principal ministre de Louis XIII, qui l'officialise en 1629. C'est le tout début de la presse avec Théophraste Renaudot à l'époque. Ensuite, la censure était plus ou moins forte et plus ou moins oppressive au gré des régimes. Elle est donc rétablie par Napoléon Ier. Elle perdure sous Louis XVIII et Charles X. Et c'est Louis-Philippe, qui lui est beaucoup plus libéral, qui va la supprimer. Entre parenthèses, Louis-Philippe va y laisser son trône dans cette affaire. On verra la censure se rétablir régulièrement dans l'histoire par la suite. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour évoquer les terribles guerres de Vendée.